ma pupole, bonjour. Alors c'est quoi là le blème? Ça fait 4 heures que j'attends, les spécialistes ils enregistrent ou quoi? Ou ils font la sieste chez eux? Ouais, bon, parce que déjà leur musique c'est de chez Portnawak et ça craint, hein? Ça vend pas d'album, on casse que du studio, ils arrivent pas, l'hôte essaie pas chanter, ils arrivent même pas à venir à l'heure. Mais leur musique de dos, ils vont se la faire tout seul, moi je casse que plus rien, alors je leur donne une demi-heure pour arriver. Quoi? Hein, parce que le bordel dans l'organisation ça va à 2 minutes. Quel bordel? Ouais, en plus le manager il est où? Il y a un mec qui manage, il manage quoi? Il manage le fait qu'ils sont à la bourre ou il manage le fait de leur acheter une montre? Non, parce que je peux lui filer l'étude pour qu'il leur achète une montre et qu'il leur apprenne ce que c'est. Alors qui se pointe le manager ou alors il va la pointer au RMI ou au chômage, il ne sert à rien. Monsieur, c'est un inutile. Monsieur, quittez pas, je vous passe couchaine.